24h sur 24, 7 jours sur 7. Fréquence Vie 89.4 FM. Voilà, nous sommes installés, amis auditeurs, pour recevoir ici les invités. Nous commencerons volontiers par l'école biblique du royaume, bibliothèque pour tous. C'est cela qu'il est question. Larisse Kouadio, réalisatrice, juste à côté d'elle, Edouard Yao, qui tient les commandes. Nous avons donc au micro votre frère et serviteur Joseph Ikio Nyawa. Nathalie Godet, notre bien-aimée sœur, est notre première invitée sur ce plateau de la part de l'école biblique du royaume. Bibliothèque pour tous, qu'est-ce que c'est? Tout de suite la réponse avec notre bien-aimée Nathalie Godet. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Bibliothèque pour tous, qu'est-ce que c'est exactement? Bibliothèque pour tous, c'est un kit de 20 livres mis à la disposition du corps du Christ pour son édification. C'est l'inspiration de Basilea Fusion et des éditions Inspiration Divine en collaboration avec l'École biblique du Royaume pour le corps du Christ. Ce kit de 20 livres plus une Bible, Esprit et Vie, ça fait 21 livres d'une valeur de 350 000, vous êtes offert seulement à 90 000 francs. Voilà. Mmh. 90 000 francs pour des livres d'une valeur de 350 000, voilà. Et depuis le mois de janvier, les inscriptions ont démarré, ça se poursuit jusqu'en avril. Jusqu'en avril, c'est dit, on s'inscrit dès maintenant. Et c'est à quelle période qu'on fera la distribution des kits? En juin. En juin, on s'inscrit dès maintenant. Mmh. On a la possibilité de payer en trois tranches. C'est dit, 90 000, on peut payer en trois tranches, on s'inscrit. 30 000, et puis on a fini. Et en juin, les livres doivent venir du Canada. Les impressions vont se faire et les livres vont être disponibles à partir de juin, lesquels seront distribués selon les lieux d'inscription. Et à cet effet, nous avons plusieurs lieux d'inscription même. Mm-hmm. On a la mission Instrument de Christ Yopougon qui est au terminus 27. Mm-hmm. On a ICN Benjerville, non loin de Bonprix, la Fondation Hollyway, non loin de la CNPS, la librairie chrétienne Nyangon Sud, terminus 27, la librairie Mami Adjoa, au quartier Mami Adjoa, la librairie CLC à Trècheville, Étoile Brillante vers Léna à Cocody, la librairie Béré d'Ivo. Et nos différents contacts sont les suivants, le 47 610 910 et le 41 99 78 08. Faut noter qu'il faut vraiment prendre cette information au sérieux. Voilà, au sérieux. C'est vraiment une opportunité à saisir, une véritable opportunité. Et ces livres, pour ceux qui les connaissent, coûtent à partir de 15 000 francs sur nos librairies. Donc, c'est une opportunité vraiment à saisir. Donc, nous invitons chacun à commencer dès maintenant à s'inscrire dans nos différents points de vente que je viens d'inscrire. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas pu noter, les numéros sont disponibles pour le faire. Ils peuvent appeler ces numéros-là. Nous sommes disponibles. Merci. C'était Miss Nathalie Godet que nous recevions de la part de l'École biblique du Royaume pour annoncer Bibliothèque pour tous, dont les inscriptions ont démarré depuis janvier pour prendre fin en avril 2020. En juin, ce sera la distribution des kits. Allez, bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Colombe Auto-École offre de permis de conduire. Notre bien-aimé Alfred est sur ce plateau pour rappeler à quelqu'un que la promotion continue. De courir. Bonjour cher Ikio, bonjour chers auditeurs et auditrices. Je suis là aussi non seulement pour annoncer que la promotion continue, mais pour donner des précisions. Vous pouvez toujours continuer à venir vous inscrire à la radio Fréquence Vie. Les précisions sont que vous devez vous inscrire forcément avec une pièce d'identité. Il y a des gens qui nous appellent, qui disent est-ce qu'ils peuvent s'inscrire avec la carte scolaire ou bien avec un extrait de naissance. C'est pas un document administratif. Donc vous devez avoir votre pièce d'identité, même si elle est de 2009, elle est toujours en cours de validité, ou bien l'attestation d'identité avec le récépissé pour les Ivoiriens et pour les étrangers avec la carte consulaire. Donc vous venez avec ces documents-là pour vous inscrire à la radio Fréquence Vie. Si vous n'avez pas encore, ou bien vous êtes en train de faire ces documents que vous voulez vous inscrire, vous venez vous inscrire, vous donnez votre nom, on va noter votre nom, mais allez-y confectionner votre pièce d'identité pour qu'on puisse tirer votre fiche d'inscription, sinon on ne pourra pas le faire. Voilà ces précisions que je viens vous donner. Les prix sont toujours à 95 000 francs pour toutes les catégories, payables à partir de 50 000 francs à la radio Fréquence Vie, qui est situé à Cocody, entre l'école Gendarmerie et l'INSAC. Donc, l'auto-école La Colombe est située à Yopougon, en Anéré, en face du supermarché Royaume des Prix. Et l'inscription se fait toujours à la radio Fréquence. Pour ceux qui sont loin, venez vous inscrire, appelez au numéro qu'on va vous laisser et vous pouvez avoir les cours à distance. Très bien. À cet effet, quels sont les numéros de téléphone auxquels on peut vous joindre? Oui, le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous appeler est le 40 40 42 04 03 40 42 04 03. L'unique numéro de téléphone pour joindre l'auto-école Colombe que vient de représenter ici Alfred Dant. Très bonne journée à vous. Dame Kona Organisation et Tizé Fondation organisent un concert dédicace, bien sûr, de Dame Kona. C'est l'ancien Kebi que nous recevons sur ce plateau pour nous préciser la date qui est le dimanche 5 avril 2020. Ce sera à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougongar, Temple Emmanuel. Bonjour, ancien Gabi. Bonjour, mon frère Ichio, que le Seigneur te bénisse. Et je voudrais saluer les auditeurs de la radio de la vie, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, quand l'ancien Gabi est sur les antennes de fréquence de vie, c'est pour annoncer des événements de taille ici en Abidjan. Alors, je suis là ce matin pour vous parler d'une grande dame sur le circuit de la musique chrétienne ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit bel et bien de celle qu'on appelle la reine du pays baoulé, Dame Kona. Dame Kona qui a été révélée au public chrétien il y a environ, on va dire, 5 ans avec ce fameux titre « Que Jésus t'imigne mien ». Elle a fait vraiment un petit bout de chemin avec ce morceau phare. Et aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique a adopté cette grande dame de la musique chrétienne tradie moderne en Côte d'Ivoire. Donc elle remonte sur scène avec un second album dénommé « Mignemie Titan » qui veut dire simplement en baoulé « Mon Dieu ». Le Dieu de Jésus-Christ que j'adore est le plus grand. Oui, il est inégalable. Alors, ces 8 titres seront dédicacés le dimanche 5 avril 2020 à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougongar, Temple Emmanuel. Cette grande assemblée qui a une capacité d'environ 2000 places. Voilà, et ça sera sous la direction spirituelle du révérend docteur Nguessan Kouassi Emmanuel, qui est mon papa, que j'aime beaucoup. Et donc, je voudrais ici et maintenant inviter toutes les populations de la Côte d'Ivoire, partant de Yopougon, d'Abobo, de Koumansi, de Port-Boué, à converger de manière massive, je dis bien de manière massive, ce dimanche 5 avril, c'est-à-dire une semaine juste avant Pâques, à venir célébrer le Seigneur à travers nos langues, nos cultures, parce que nous sommes riches en Afrique ici par nos cultures, nos langues. Et le ticket d'entrée, c'est simplement 1000 francs. C'est un prix de participation, un prix de soutien pour que vraiment le Seigneur soit glorifié et soit exalté. Bien évidemment, bientôt, nous allons vous annoncer les différents sites où les tickets seront placés. Vos numéros de téléphone. Voilà. D'abord, vous joignez mon jeune frère Ngata Narcisse, qui est le manager de notre sœur Dame Kona, au 47 76 52 25, 47 76 52 25, et moi-même, l'ancien Gabi, au 07 12 89 11, 07 12 89 11. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Préparez-vous déjà, nous sommes un peu loin de la date, mais il faut vous préparer pour que ce jour-là, la fête soit belle. Merci, ancien Gabi, et puis transmettez notre salutation à Dame Kona. Au revoir. Merci. Waon Communication est ici représenté par Jean-Christian Nassé. C'est un concert sans jola du groupe Gaël. La formation Gaël donc sera en attraction ici en Abidjan au titre de l'année 2020, la toute première rencontre qu'elle nous présente samedi 22 février 2020 à l'INJS de Makori. Le chargé des communications, j'ai nommé Jean-Christian Nassé, est très bien placé pour nous donner les news de ce grand concert. Bonjour. Alors bonjour, merci de me donner l'occasion de partager cette information avec le peuple de Dieu. Alors je suis heureux de vous annoncer que le groupe Gaël sera du côté d'Abidjan à partir du 22 février 2020 et ce concert se tiendra sur terrain de l'INJS sous le coup de 16h30. Voilà, le concert est dénommé Sanjola en faveur de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est un concert que le groupe a l'habitude de tenir en RDC. Il se tient chaque année, il réunit des milliers de personnes qui viennent célébrer le Seigneur, qui viennent adorer le Seigneur. Et moi et mon équipe, nous avons jugé bon en cette année électorale 2020 de faire partager, disons, cette expérience-là avec les chrétiens de Côte d'Ivoire, avec le peuple de Dieu, afin de prier, disons, pour la nation ivoirienne, pour que les choses se passent bien, pour que nous soyons dans un climat apaisé, parce que nous avons l'habitude d'entendre, lorsque nous sommes dans des périodes électorales, beaucoup de choses. Et je crois que ça sera vraiment un beau temps dans la présence de Dieu, un merveilleux temps dans la présence de Dieu. Nous allons louer, adorer le Seigneur avec le groupe Gaël. Alors Jean-Christian, quelles sont les conditions qui permettent de participer à ce grand concert? Alors, les conditions, il faut d'abord avoir son ticket de 5000 francs, 10000 francs et 15000 francs. Voilà. Ils sont disponibles à Fnac Cap Nord, Radio Yopougon, Radio Fréquence Vie, Fnac Cap Sud. Et nous avons des contacts aussi pour distribuer, disons, les tickets. Voilà, pour demander les tickets ou pour se renseigner davantage. Pour se renseigner davantage et pour avoir aussi les... Alors, on va laisser donc, dans ce cas, deux numéros de téléphone qu'on va répéter pour permettre aux auditeurs de vous joindre. Ok. Alors, il y a moi-même mon contact déjà qui est le 58 31 26 74. Je répète, le 58 31 26 74 et le 41 38 61 99. Je rappelle que le groupe même arrive à Abidjan ce dimanche-là et ils seront là toute la semaine pour, disons, faire de la communication, pour inviter le peuple de Dieu, voilà, à participer massivement à cet événement. Merci beaucoup au chargé de communication Jean-Christian Nassé de Waon Communication qui annonce le concert Sanjola de la formation musicale Gaël en Abidjan. Au revoir. Merci. Kamata problème na yo ti a pembeni Sanjola ye a bongi nango Sanjola ye Yesue Sanjola ye a bongi nango Geste Mané 11e édition, c'est avec l'apôtre Gila Regis Joseph. C'est pour parler d'intercession, de prière, de combat, de réveil spirituel. Le prochain rendez-vous samedi 15 février 2020 et c'est gratuit en tout cas. Bonjour à vous. Bonjour Ikio, nous saluons les auditeurs de la radio Fréquence Vie. Effectivement, nous sommes là ce matin pour rappeler au peuple de Dieu que la 11e édition de Geste Mané aura lieu ce samedi 15 février 2020 à partir de 8h30. Je rappelle que Geste Mané, c'est 10 heures dans la présence de Dieu, 8h30, 18h30. Quel que soit le temps qu'il fera, Geste Mané aura lieu. Et le thème de la 11e édition, c'est « Mes géants tomberont devant moi ». Tiré de 1 Chronique 20, du verset 4 à 7. Et nous sommes là pour parler de saison. Nous sommes dans le printemps et la Bible nous enseigne que c'était la période où les rois d'Israël allaient en guerre. Et nous, nous croyons que par le sacrifice de Christ, nous sommes des rois et que c'est le temps pour nous d'aller en guerre. Et l'Ecclésiaste nous a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et donc, par rapport au texte que nous avons choisi, nous voyons qu'il y a trois types de géants qui n'ont pas été exterminés. Et c'est justement à travers les chroniques que nous voyons qu'il y a eu des combats et que ces géants sont tombés après que David ait renversé Goliath. Nous voyons que Goliath avait des frères, ainsi de suite. Donc, pour parler de géants, ça peut être un être spirituel, ça peut être l'homme fort de ta famille, ça peut être une situation qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer. Et donc, quel que soit ce que tu ressens comme obstacle, tu dois venir pour que, en cette nouvelle saison, nous puissions faire tomber ces géants-là. Et je rappelle que quand nous parlons de saison, tout comme les fruits, hein, chaque saison a ses fruits, chaque saison a ses bénédictions. Zacharie 10, verset 1 nous dit que nous devons demander la pluie du printemps. Mmh. Et comme nous sommes dans le printemps, c'est clair qu'il y a des bénédictions liées à cette saison qui ne doivent pas nous échapper. Donc nous sommes là pour inviter le peuple de Dieu à effectuer les déplacements. Il n'y a pas de dispositions particulières. Vous pouvez être à jeun. Si vous n'êtes pas à jeun, nous, on a pris des dispositions. Il y a du café et des sandwichs. Le café est gratuit, mais pas les sandwichs. Ça va se passer au CPE. Le CPE qui entre l'école de gendarmerie et l'INSA dans le même périmètre que la radio Fréquence Vie. Dieu m'a fait la grâce d'être le seul orateur ce jour. Donc, avant de partir, je vais laisser des contacts. Deux numéros de téléphone. Tout à fait. C'est le 07 14 52 18. 07 14 52 18. Ou le 03 66 81 17. 03 66 81 17. Quand la marche devient dure, ce sont les durs qui marchent. Dieu vous bénisse. Amen. Quand la marche devient dure, ce sont les durs qui marchent. Et donc, la signature de l'apôtre Gila Regis Joseph que nous venons de recevoir pour annoncer la 11e édition de Geste Mané prévue pour le samedi 15 février 2020 ici au CPE. Excellente journée à vous, apôtre, et puis au revoir. Au revoir. Merci à vous, pareil.